por favor, no hagáis scratching. Ah, RFA. No sabéis sacar otro sonido de freestyle número uno. Right to the beat, y'all. Cut like a guillotine. Bust it. Check this out. I'm Olivia's grasp. Because I'm number one. Are you ready? Oh, my. Right to the beat, y'all. Cut like a guillotine. Bust it. Check this out. I'm Olivia's grasp. Le silence est d'or, si tu la fermes, ton CD coûtera cher. Mon mac est taché par ton sang, car marie-moi un coup. T'achèves, goûte à ses faces de fou. Après, dis-moi ce que t'en penses. Le salaire d'un joueur de foot, j'ai que des vues comme récompense. Elle est bien loin, l'époque où on rêvait du parc des princes. 10 ans après, la bac passe et nous passe les pinces. J'ai pas de calibre, que du taga dans le calcif. L'ambiance est froide, normal ici, on caille fils. En 2-4-6, la prod, je la calcine. Demande à Flexi si les rages finissent que scandalcine. Besoin de que dalle-ci, un paquet de feuilles slim. Des tâches et de la frappe, et c'est parti pour le style. Si je prends le micro, c'est pour Perra, non pas pour faire le ouf. Je suis bloqué devant la porte, mais je veux pas que l'enfer me l'ouvre. Moi, c'est Riffa en 2013, que des 16 inédits. Sur ce terrain, je mène le jeu, appelle-moi Zinedine. Hey, to the beat, yo. Cut like a guillotine. Bust it. Check this out. I'm Olivia's grasp. Because I'm number one. Are you ready? Oh, my. Hey, to the beat, yo. Cut like a guillotine. Bust it. Check this out. I'm Olivia's grasp. Because I'm number one. Are you ready? Practice a production.